Méthode pour entrer en contact avec une entité. Préparez votre espace, choisissez un endroit calme et tranquille où vous ne serez pas dérangé. Assurez-vous que l'espace est propre et bien rangé. Vous pouvez également allumer des bougies, de l'encens ou d'autres éléments pour créer une ambiance propice à la méditation. Méditez. Asseyez-vous confortablement et commencez à méditer. Vous pouvez utiliser une technique de méditation de votre choix, telle que la respiration consciente ou la visualisation. L'objectif est de calmer votre esprit et de vous concentrer sur votre intention d'entrer en contact avec une entité. Formulez votre intention. Visualisez l'entité que vous souhaitez contacter et formulez votre intention clairement et précisément. Vous pouvez utiliser des affirmations ou des prières pour renforcer votre intention. Ouvrez votre esprit. Soyez ouvert et réceptif aux signes et aux messages que l'entité peut vous envoyer. Vous pouvez ressentir des sensations physiques, entendre des voix ou voir des images. Soyez attentif à tout ce qui se passe autour de vous. Terminez la séance. Lorsque vous avez terminé, remerciez l'entité pour sa présence et fermez votre espace. Vous pouvez également prendre des notes sur votre expérience pour vous souvenir des détails importants. Il est important de noter que cette méthode est une approche générale et qu'il existe de nombreuses autres méthodes pour entrer en contact avec une entité. Il est également important de prendre des précautions et de travailler avec un praticien expérimenté si vous choisissez de pratiquer la magie ou la méditation pour entrer en contact avec une entité. Voici quelques techniques qui peuvent aider à percevoir une entité. Méditation. La méditation est une pratique qui permet de calmer l'esprit et de se connecter à un niveau plus profond avec l'univers. En méditant régulièrement, il est possible de développer sa sensibilité et de percevoir plus facilement les énergies et les entités. Clairvoyance. La clairvoyance est la capacité de voir les entités de façon non physique. Cette capacité peut être développée grâce à des techniques spécifiques telles que la visualisation, la concentration et la pratique de la méditation. Clairaudience. La clairaudience est la capacité d'entendre les entités de façon non physique. Cette capacité peut également être développée grâce à des techniques de méditation et de concentration. Intuition. L'intuition est une capacité innée que nous avons tous et qui nous permet de ressentir les énergies et les entités de façon subtile. En pratiquant la méditation et en apprenant à écouter son intuition, il est possible de développer cette capacité et de percevoir plus facilement les entités. Page 34, nous allons parler de la clairvoyance, page 34.